La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Côté Association numéro 44. Aujourd'hui, je reçois une association qui rayonne à travers le monde, hein, je n'ai pas peur de le dire. Voilà, on va en parler tout à l'heure avec sa présidente et on va voyager, je pense, à travers cette émission. Alors, si vous voulez réagir pendant cette émission, vous avez une heure, hein, jusqu'à 15 heures. Vous pouvez le faire par téléphone au standard. C'est le 02 38 43 48 00, mais également la page Facebook. Alors c'est Côté Association, l'émission tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de la cause animale avec notre présidente, madame Vicky Hans, qui est présidente de l'association Les Petites Mains Bénévoles. Bonjour Vicky. Bonjour. Merci d'avoir de nous avoir invités à cette association, à votre radio, pour pouvoir parler de la cause animale qui est à l'heure actuelle dans toutes les actualités du monde et dont la prise en charge de tous ces animaux errants est bien mal perçue. Bien mal perçue, en effet. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, Vicky ? Oui, donc je suis la présidente de l'association Les Petites Mains Bénévoles qui regroupe environ une trentaine de bénévoles donc sur la région centre, mais nous travaillons à l'heure actuelle, nous sommes en partenariat à l'heure actuelle avec une vingtaine d'associations sur tous les DOM-TOM qui réunissent donc la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, ces zones de non-droit où les animaux n'ont pas leur place. Ce sont des îles paradisiaques, mais l'envers du décor est une horreur pour les animaux. Alors, dans l'association, j'imagine que vous êtes présidente. Oui. Mais quel est votre rôle à travers cette association ? Vous n'êtes pas que présidente, j'imagine, comme non. Beaucoup d'autres associations. Non, je suis bénévole à plein temps. Et donc, j'essaie en fait de créer à travers cette association auprès des bénévoles des passerelles pour que chaque personne y trouve sa place, apporte son aide, apporte ses idées, ses projets et que l'on puisse œuvrer dans le sens des associations pour leur apporter ce dont elles ont besoin. Donc, c'est un travail au quotidien qui est immense. Car nous réunissons souvent, nous faisons beaucoup de réunions pour essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir aider ces associations qui n'ont aucune aide de la métropole. D'accord. Et avant de monter les petites mains bénévoles, est-ce que vous aviez une expérience dans d'autres associations sportives, culturelles, oui. Citoyennes? Oui, j'avais déjà dans la protection animale, j'étais bénévole depuis 10 ans dans une association du Loiret qui s'appelle les chats, les amis des chats du Loiret. Et donc je faisais de la stérilisation, donc je faisais du trapage de terrain. D'accord. Je trappais les animaux errants, je les emmenais à la clinique vétérinaire et après je faisais un relâché avec un suivi sur le terrain. D'accord. Et j'avoue que c'est quelque chose qui pourrait justement être mis en place dans les DOM-TOM parce que ça évite la prolifération et on sait bien sûr que la prolifération engendre bien des dérives, dont la maltraitance. Aussi, oui. Voilà. Mais pour assurer une campagne de stérilisation, j'imagine qu'il faut des moyens. Donc, bref, on en va en parler tout au long oui. de l'émission. Et voilà. Le siège de l'association, alors, il est situé dans l'agglomération orléanaise, je crois. Oui, tout à fait. Il est situé donc à Saran. D'accord. Donc, c'est pas vraiment sur Saran. Et nos bénévoles sont aussi de la région centre. Très bien. Alors, nos bénévoles, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont entre 12 et 94 ans. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va en parler juste après. On va faire une première pause musicale. On va écouter tout de suite Alborosi dans Côté Association. This is for my people. Oh, my judge of people. The conquering lion shall come. I don't want to live in the past, so I'm looking for a brand new day. My homeland is right there behind your eyes. And God Almighty, you watch me same way. Someone is judging my spirituality, laughing at my meditation. Don't be afraid of diversity. There's no complexion. Blessed shall be the one who lives in love, respect and dedication. Blessed shall be the one who lives in love. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. Live in love and life shall bloom. God is waiting here. Don't be scared where you going, 'cause you don't live nowhere. Simple people, simple life, and we don't seek perfection. Perfection. For many years we've been living in one life of illusion. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. C'était donc Alborosi et son titre Diversity sur Radio Arc-en-Ciel. On reprend le cours de notre émission avec l'association donc Les Petites Mains Bénévoles. Et je reçois donc Vicky Hans, la présidente de l'association. Alors Vicky, on va revenir dans les prochaines minutes sur l'origine de l'association, sur la création de l'association, parce que je crois qu'elle est toute jeune, hein, elle n'a même pas encore fêté ses 1 an. C'est ça, elle a exactement 10 mois d'existence. Voilà, donc on est au tout démarrage. Alors, qui est à l'origine de cette association, à l'origine de sa création? Alors, l'idée est de moi, mais la création est d'un groupe et de tous les bénévoles de notre association. En fait, l'idée de créer cette association est venue parce que j'ai fait plusieurs séjours à l'île de la Réunion pour des raisons familiales et j'ai pu constater l'ampleur de la beauté de cette île, mais l'envers du décor. Aussi. 300 000 chiens errants pour l'île de la Réunion, je me suis posé d'énormes questions et je me suis rapprochée des associations locales pour comprendre, pour essayer de comprendre, parce que nous arrivons en tant que touristes, mais il y a cette carte postale qui est très jolie, mais derrière, il y a la face cachée. Donc j'ai essayé de comprendre l'ampleur de ce désastre et en me rapprochant des associations d'animaux, j'ai compris la détresse dans laquelle elles se trouvaient. Les associations, les bénévoles qui tous les jours font des sauvetages. J'ai rencontré d'ailleurs une infirmière et c'est là où je pense ça a fait le déclic, étant moi-même du corps médical, où elle m'a dit: je ne fais pas une journée où je ne reviens pas avec 5 chiens dans ma voiture pour les sauver. Donc j'ai essayé de comprendre et là je me suis dit elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas de subvention de la métropole. C'est des zones de non-droit où l'animal n'est pas perçu en métropole comme un animal domestique. Parce que la culture, le mode de vie, le langage ou les dialectes sont souvent mélangés à des éléments qui font que l'approche de la sensibilisation de l'animal n'est pas du tout la même que chez nous. L'animal n'a pas la même place en fait, pas du tout la même place au sein de la société. Du tout. Du tout. Ça vient des aspects culturels. C'est ça. L'île de la Réunion est une île qui est remarquable par sa richesse de mélange de cultures. Oui. C'est un modèle d'intégration parce qu'on y croise des Tamouls, des Malbas, on y croise des Arabes, on y croise de tout. Tout le monde s'entend. Mais cette richesse n'a pas la même... Cette culture, tous ces gens mélangés apportent une grande richesse, mais l'animal n'a pas sa place au sein de cette culture. Comme on peut l'avoir, nous, en métropole, les chiens à la maison, on les sort. Là-bas, les chiens sont dehors, livrés à eux-mêmes. Pas de stérilisation, pas de soins, rien. C'est qu'on voilà, on manque peut-être de structure, mais ce constat-là, vous l'avez fait à La Réunion, mais oui. J'imagine qu'on peut faire le même dans d'autres pays oui. ou dans d'autres territoires d'outre-mer. Oui, je suis allée à la Guadeloupe aussi, et donc là, c'est encore, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que eh bien, j'ai ressenti la même détresse des associations, et j'ai ressenti surtout quelque chose qui, où il faut vraiment intervenir pour la cause animale, c'est que elle devient un business lucratif pour certaines personnes qui, sur le dos de la misère animale, mettent en place donc des fourrières privées et ont des subventions justement pour euthanasier plutôt que stériliser, alors qu'aujourd'hui tout le monde sait que les plans de stérilisation sont moins coûteux que l'euthanasie. Et donc ce constat-là, on le fait un peu partout. C'est de là que vient un peu l'envie de d'aider. Depuis la métropole, d'aider toutes ces associations. Oui. Alors j'imagine que lorsque vous décidez avec vos amis de créer l'association, l'ampleur de la tâche ne vous a pas effrayé à ce moment-là ? Non, parce qu'il était, tellement petit par rapport à l'ampleur des besoins. Mmh. Et que... On est tellement... Il n'y a pas un jour où j'ai croisé une association où j'ai, en étant sur ces îles, où j'ai vu des filles descendre de leur voiture en larmes, étant impuissantes devant l'ampleur de la catastrophe. Je dis que c'est une catastrophe, des animaux qui se font écraser, qui se font battre, pendre, égorger, enfin tout. Et de chez nous, on a en métropole, on a aussi les maltraitances, on a nos misères, on a nos abandons. Mais... Pas dans ces mesures-là, pas dans ces proportions-là. Donc, la création, oui, et puis c'était un beau projet. Alors, l'idée première était laquelle, des petites mains bénévoles, quel était le premier objectif ? Alors, le premier objectif, c'était, on était un groupe de 5 personnes amoureuses des animaux, et on s'est mis donc sur des groupes de sauvetage de l'île de la Réunion, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et là, les réseaux sociaux existent aujourd'hui, ça, ce qui permet... C'est magnifique. Mmh. Quand ils sont bien utilisés, c'est un outil magnifique. Mais oui. Et donc là, nous nous sommes dit, les associations font partir des chiens des îles pour les rapatrier en métropole vers des associations qui les récupèrent et qui les font adopter. Mais ce sont des chiens qui partent sous des températures de 38 à 40 degrés, qui arrivent en Soute, il fait 15 degrés, et quand ils arrivent à Roissy, il fait 3 degrés. Et un jour, il y a eu un appel d'une dame qui a dit « Qui pourrait me tricoter un petit manteau pour que mon chien n'ait pas froid en partant ?» Et là, ça a été le déclic. Voilà. Ça a été le déclic de se dire « Mais on va faire tricoter des petits manteaux et on va surtout, en plus de cette tâche, apporter à des personnes âgées une activité dans laquelle elles sont impliquées. » Et qui est utile. Très utile. Très, très utile. Et donc, c'est à travers vos voyages que vous avez remarqué ce manque. Et donc, l'association est née 1er février, c'est ça ? Non, on l'a créée le 14 février pour l'amour des animaux. Très bien. Et le deuxième. Alors, aujourd'hui, vous avez combien de bénévoles avec vous ? Alors, on a une trentaine. À peu près une trentaine de bénévoles de 12 à 94 ans. Donc, les plus jeunes, puisqu'on fait de la récupération de tout matériel qu'on retransforme. Hein, c'est très écologique d'ailleurs ce qu'on fait, c'est qu'on récupère plein de matériaux que l'on retransforme et que l'on envoie gratuitement aux associations. Et toutes les personnes âgées tricotent des petits manteaux ou font dans des tissus de récupération, des vêtements, des plaids, des couvertures. On fait des tapis pour les cages de transport. Et puis les plus jeunes découpent, font de la décoration, marquent les tapis à l'effigie de l'association. Et parce qu'il faut, dans la vie, c'est pas parce qu'on vient de la misère qu'on n'a pas le droit à des belles choses. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que pour ces actions-là, au départ, vous vous êtes rapproché d'autres associations ou d'autres fédérations de protection des animaux ou de sauvegarde des animaux pour vous aider à vous organiser au départ ? Non. On s'est débrouillé seul. Et très vite, la première association à qui on a envoyé des petits manteaux, bien sûr, encore les réseaux sociaux, donc a fait paraître ce post sur les réseaux sociaux. Et là, on a été inondé de demandes d'autres associations. Et nous avons eu pratiquement tous les dom-toms qui nous ont demandé de l'aide. Nous avons encore beaucoup de demandes. Malheureusement, Nous ne pouvons pas accepter tout le monde. Ça va venir. On l'espère parce que on espère avoir des bénévoles, des généreux donateurs. Puis ça dépend, j'imagine, aussi des bénévoles qui fabriquent tous les produits, les couvertures pour les animaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des... aussi pour... C'est assez rapide. Oui, quand on a la main, j'imagine, quand c'est on a l'expérience. Rapide. Oui, c'est assez rapide. On peut faire 5 à 6 tapis par jour. D'accord, oui. Donc ça, c'est assez rapide. Moi, qui suis novice en tricot, je ne me rendais pas compte. Ouais. Alors, en tricot, c'est un peu plus long, parce que le tricot, il y a quand même un petit peu de travail. Mais en couture, dans la création donc, des tapis, non, ça va assez vite. Ça va assez vite, voilà. Mais nous avons aussi le fait que nous récupérons beaucoup de produits qui sont jetés, c'est-à-dire toutes les personnes qui jettent des gamelles, des laisses, des colliers, des sacs de transport. Nous récupérons tout, nous les lavons, nous les remettons en état et nous les envoyons à l'outre-mer. Bon, très bien, j'imagine qu'il faut aussi des moyens pour tout ça. Alors, j'avais une question là, par rapport à la SPA, comment est-ce que vous vous situez parce que la SPA est une association nationale qui intervient, j'imagine, aussi dans les DOM-TOM. Oui. Quelle est la place, quel rôle joue la SPA et quel lien vous avez éventuellement avec la SPA, si lien il y a? Alors la SPA est une grosse organisation, oui, avec des moyens colossaux. Oui, c'est la plus connue, c'est pour ça. C'est que la plus connue. Oui, oui. Elle, sur la région centre, effectivement, elle travaille sur l'outre-mer où elle rapatrie des chiens de Guadeloupe. Donc pour de l'adoption, donc ça c'est une très belle chose. Mais nous n'avons pas de lien avec la SPA parce que nous n'avons pas encore cherché à faire des partenariats ou des rapprochements avec des grosses associations, des grosses fondations, parce qu'on avait d'abord à structurer les petites mains bénévoles. Et vous savez, une association, c'est comme une entreprise, si elle n'est pas structurée, on ne peut pas avancer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, c'est structuré avec du bénévolat. Et le bénévolat n'a pas de prix. Parce qu'un bénévole, eh bien, quand il donne de son temps, quand il donne quand il fait un don de soi, c'est énorme. Il n'y a pas de rémunération derrière. Donc tout ça, il faut faire les choses doucement. Il faut mettre en valeur les gens, les personnes. De la reconnaissance, c'est très important. Et puis, il faut surtout les impliquer et surtout leur laisser aussi le libre choix de leurs actions. Alors aujourd'hui, les petites mains bénévoles sont organisées. Alors de quelle manière? Est-ce qu'il y a un pôle technique? Est-ce qu'il y a un pôle couture? Est-ce qu'il y a un pôle récupération? Oui. Est-ce qu'il y a un pôle communication? Oui, oui, oui. Nous avons structuré par branche. Oui. Donc il y a la branche administrative. Il y a la branche, administrative. Il y a la branche des expéditions avec une responsable des expéditions. Il y a la branche collecte, donc avec tout ce qui est les collectes, parce que on fait des petites, on organise des petites choses chez les commerçants où on met des tirelires pour récupérer de l'argent. On fait des collectes de magasins où on récupère donc de la nourriture et qu'on donne à nos associations partenaires. Ça, on ne peut pas l'envoyer en métropole parce que c'est très lourd. Donc, mais les associations qui rapatrient des chiens d'outre-mer, on les aide de cette façon-là. Et puis, donc, il y a la branche collecte, il y a la branche juridique, où il y a une personne qui nous aide aussi un petit peu dans le juridique pour nous dire ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. J'imagine par rapport aux normes d'hygiène et de sanitaire. Non, pas d'hygiène et sanitaire, parce que nous, les animaux, en fait, nous ne sommes pas une association de protection animale, nous sommes une association qui apporte de la logistique aux associations de protection animale. Donc, on travaille avec les associations de protection animale, mais nous n'avons jamais d'animaux en transit. Oui, non, mais je vous pose la question parce que lorsqu'on fait voyager des animaux ou inversement du matériel à destination des animaux, du matériel d'occasion, j'ai envie de dire, est-ce que là, il n'y a pas des normes quand on envoie des tapis ou des laisses ou des harnais qui ont déjà servi, même s'ils ont été lavés, j'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des normes au niveau des douanes par rapport à tout ce qui est aux infections, aux épidémies? Non. Pas pour ce qui est tout le matériel pur. Matériel, en revanche, on a fait une branche aussi dans la récupération collecte. On a contacté donc des pharmacies pour récupérer tous les médicaments qui sont jetés. Alors quand on dit médicaments jetés, bien évidemment, ce ne sont pas des médicaments qu'on utilise tous les jours. Ce sont les compresses, les bandes, les bétadines, les pinces à agrafes, les pansements qu'on envoie aussi aux associations, parce que là-dessus, elles n'ont pas les moyens. Hein. Quand on pense qu'un tube de bétadine, on va le payer même à peine 3 euros en métropole, et qu'à l'île de La Réunion, ça va être le double ou le triple, quoi. Donc effectivement, ben, tout est cher sur l'outre-mer. Donc oui, effectivement, pour les médicaments, lorsque nous en envoyons, nous avons une déclaration de douane. Et une traçabilité. Une traçabilité, on fait une déclaration de douane dans l'envoi des colis, on a un petit document à remplir et on détaille le contenu du colis. Mais depuis 10 mois, ça fonctionne. Très bien. Oui. Aujourd'hui, vous avez des facilités avec les administrations pour faire tous ces formulaires pour les... Alors, vous êtes reconnu aujourd'hui ? Alors, reconnu, c'est peut-être encore un peu tôt. Hein, nous, on espère faire des partenariats avec donc certaines compagnies aériennes pour justement pouvoir envoyer du fret sur l'outre-mer, mais à des quantités, à des proportions un petit peu plus importantes, et voir aussi envoyer de la nourriture parce qu'ils en ont besoin. Parce que si la pharmacie est chère, tout est cher une île, oui. Ouais, tout est cher. Donc nous espérons justement que ça va venir, que tout va venir, mais sinon... J'ai perdu un peu. On parlait des facilités que vous pourriez avoir au niveau administratif. Donc le travail qui va être fait dans les prochains mois, j'imagine, avec les compagnies aériennes. Et tout ce qui est douane, là-dessus, vous n'êtes pas forcément encore reconnu, mais vous êtes en passe de le devenir parce que vous avez déjà fait pas mal d'envois. On a fait beaucoup d'envois. On a fait à peu près une centaine de colis en 10 mois. On a fait à peu près une centaine de colis. Pour ce qui est des douanes, oui, c'est opérationnel, c'est-à-dire ça fonctionne bien. Maintenant, pour l'envoi des colis, on passe donc pour les envois postaux, et puis on passe aussi par des organismes qui ont des envois sur la métropole, des grosses structures sur la métropole qui ont réussi à nous faire des prix intéressants. Et vous n'avez jamais eu de colis refusés ou... Non. Il n'est jamais arrivé à destination. Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça met un petit peu de temps parce qu'effectivement, quand on envoie un colis sur la Guadeloupe ou Mayotte ou Guyane. C'est 7-8 000 km. Oui. Voilà, ça fait un petit peu de. Il y a un petit peu de délai. Et puis souvent, bon, on a compris aujourd'hui qu'il fallait qu'on les envoie en mode économique parce que sinon c'est très cher. Mais ça met un petit peu de temps. Mais non, on a toujours des retours photos. C'est vraiment très gentil. Bon, très bien. On va faire une petite pause musicale et on va enchaîner après avec le fonctionnement même de l'association, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. On enchaîne tout de suite avec un titre de Maffé, Sur cette terre. Paris, un endroit où on se sent bien. te taire, si pauvre en mots, si ignorant, qu'ils n'ont comme seul argumentaire qu'une âme pour faire taire l'opposant. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et on se retrouve en direct sur Radio Arc-en-Ciel, il est bientôt 14h32 d'ici 5 secondes. Toujours en direct avec l'association Les Petites Mains Bénévoles et Vicky Hans, sa présidente, qui nous parle du soutien que l'association apporte aux animaux errants à travers les métropoles, les outre-mer, pardon. Vicky, on parle aujourd'hui du fonctionnement de l'association. Alors, on l'a dit, mais bientôt un an d'existence. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu sur le site internet, qui est bien fait d'ailleurs, je vous félicite, que vous aviez passé pas moins de 19 partenariats, j'ai envie de dire, avec 19 associations en métropole, mais aussi en outre-mer. Alors, en si peu de temps, comment est-ce que c'est possible de réunir autant de partenaires? Alors oui, effectivement, on a 10 mois d'existence. On a un groupe qui réunit 2500 membres qui nous soutiennent au quotidien sur Facebook, donc, sur Facebook dans nos actions. Nous avons aussi des adhérents, des bénévoles. Et donc, sur l'outre-mer, nous avons réussi à réunir donc à peu près une quinzaine d'associations de protection animale. Et nous en avons 4 donc, sur la métropole qui rapatrient des chiens ou qui nous aident justement dans nos actions. Alors, comment avoir réussi ce tour de force? Il n'y a pas que les réseaux sociaux, j'imagine. Non, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais il y a justement ce constat, ça prouve bien l'ampleur des besoins. Et réunir ce tour de force, c'était pas voulu. Ça s'est mis en place, tout seul parce que, déjà, pour fédérer, il faut savoir écouter les autres, respecter leurs besoins, leurs idées. Souvent, la cause animale réunit des gens qui sont végans, végétariens, végétaliens, des carnivores de toutes sortes. Eh bien, ils ont le droit de l'être. Dès l'instant où ils apportent leur pierre à l'édifice et que c'est à travers leurs gestes ou leurs actes, il peut y avoir une aide qui arrive aux autres. Il n'y aura jamais d'idées sectaires dans les petites mains bénévoles. Tout le monde y aura sa place. Tout le monde aura le libre choix de ses projets et de ses actions. Elles seront soutenues dès l'instant où elles iront dans le sens de la protection animale. Et donc ce réseau que vous avez tissé à travers les Outre-mer, c'est du réseau à travers vos adhérents et les gens qui sont sur votre groupe. Mais est-ce que c'est aussi peut-être par le biais de partenariats de personnes qui vivent sur place, qui vous ont contacté directement? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est à partir du moment où la première association donc de l'île de la Réunion a reçu donc ces fameux petits manteaux avec l'effigie, parce qu'on a cousu l'effigie de l'association sur les petits manteaux pour faire voyager ces petites misères. On voulait qu'ils soient les plus beaux à l'arrivée à Roissy. Les associations d'outre-mer ont vu, parce que à travers les réseaux sociaux tout se voit aujourd'hui. Elles sont connectées les unes aux autres. Oui, elles travaillent ensemble d'ailleurs, elles s'aident ensemble, heureusement elles se soutiennent et elles sont revenues de suite vers nous, nous disant mais nous aussi on aimerait bien voir, est-ce que c'est possible, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on a été très surpris d'une chose, c'est de voir qu'on leur envoyait des colis et que on leur envoyait un colis, deux colis. Et qu'un jour, il y a une association de Guadeloupe qui est revenue vers nous et nous a dit « Mais on n'a pas reçu la facture. » Et on a dit « Non, on vous envoie que du matériel de récupération qui est transformé, tout est gratuit. » Et j'ai senti des sanglots dans la voix de cette présidente qui m'a dit « C'est la première fois qu'on nous donne quelque chose. » Ben oui, c'est pas... Alors c'est que ce n'est, oui. Ce n'est que de la laine, que des tissus de récupération et que des colliers qu'on récupère qui sont usagés de chiens décédés, de gens qui veulent bien nous donner... C'est tellement peu. Mais ça nécessite pour les petites mains bénévoles aussi d'avoir des fonds propres pour pouvoir ne serait-ce que payer l'envoi. Alors pour payer l'envoi, nous avons donc des adhésions. On a mis en place des actions, donc on a des adhérents. d'ailleurs, que je remercie, de nous soutenir. On a quelques dons aussi. On n'a pas du tout de subvention, mais on a mis en place des actions qui sont donc des tirelires chez tous les commerçants pour la cause animale. Et puis, on s'est dit que ces petits manteaux étaient tellement jolis qu'à un moment, on a eu une demande d'achat. Et on s'est dit, on va vendre ces petits manteaux, mais on ne pouvait pas les vendre parce que la création de cette association est d'abord dans le don et non pas dans le profit. On s'est dit, on ne va pas pouvoir vendre ces petits manteaux pour les mettre sur notre compte bancaire de l'association. Alors on s'est dit, à chaque fois qu'on va vendre un petit manteau, ben on va reverser au moins la moitié à une association pour l'aider dans la stérilisation et les soins. Et donc, au premier petit manteau qui a été vendu, nous avons donc fait passer sur le groupe le fait qu'une association à chaque fois serait tirée au sort pour recevoir donc la somme de 15 euros sur la vente. J'ai vu sur votre page Facebook Et donc, on a beaucoup de ventes de petits manteaux parce que les gens se disent que c'est une très belle action et une très belle façon de participer, à aider et en même temps à donner. On aide, on donne d'un côté, on aide de l'autre et je pense que ça fonctionne. C'était une très bonne idée. En effet, je vous confirme parce que c'est très généreux de la part des petites mains bénévoles d'avoir cet objectif-là, d'aider gratuitement, entre guillemets. Mais oui. Du coup, sur place, parce que vous ne pouvez pas forcément voyager tout le temps à travers les dom-toms, quelle garantie vous avez que vos colis, entre guillemets, sont bien utilisés, sont bien arrivés et sont bien arrivés aux bonnes personnes et qu'ils servent effectivement aux animaux Alors, on a créé dernièrement, sur chaque île, il y a une référente locale, donc une référente Les Petites Mains Bénévoles, qui elle fait le lien entre l'association et Les Petites Mains Bénévoles de Métropole. Et donc, c'est elle qui nous remonte un petit peu les informations et les besoins. Et en même temps, cette référente est très importante parce que elle a une visibilité sur ce qui se passe dans la rue. Eh oui. Donc, parce qu'il y a des bénévoles de rue qui sont laissés et livrés à eux-mêmes, qui nourrissent tous les jours des chats, des chiens, parce qu'ils ne peuvent plus regarder cette misère et qui partagent leur repas avec ces animaux errants. Et donc, quand on a l'information de ce genre de bénévoles, on envoie du matériel. On envoie donc de la nourriture. Et ça a été facile de trouver sur les différentes îles des référentes ou des référents des petites mains bénévoles? Alors, j'imagine que ça demande de l'implication pour ces personnes-là. Oui, alors à notre grande surprise, c'est que nous en avons trouvé une première donc sur La Réunion, parce que c'est une île que je connais particulièrement bien. Et beaucoup nous ont proposé de devenir bénévoles. Et nous ont dit une chose qui nous a fait très plaisir, c'est que notre association était basée sur la générosité, l'entraide et le partage. Et que nous étions structurés. Et que c'était rare pour eux de voir qu'une association soit aussi bien, bien cadrée, bien structurée, et surtout qu'il y avait une belle entraide. Et ça, je pense que c'est le fruit aussi d'une longue expérience de chacun et de chacune au sein des petites mains bénévoles. Oui, c'est ça. Puis nous partons en fait d'un principe, c'est qu'il faut unir nos différences pour pouvoir réussir à faire des belles choses. C'est penser autrement, agir autrement, mais ne pas toujours être d'accord sur ce que l'on fait. Mais si on n'est pas d'accord, ça aboutit toujours vers du positif. Tout à fait, oui. Alors, j'avais une question plus pratique. Oui. Sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que les bénévoles ou les associations qui sont réparties dans les dom-toms, est-ce qu'elles interviennent dans les rues, dans les quartiers, chez les particuliers, à la demande des municipalités Comment ça se passe un peu concrètement sur le terrain? Alors c'est très très très compliqué parce que en fait il y a tellement d'animaux errants que les associations n'ont pas besoin d'aller chez les particuliers ou les bénévoles ou avoir affaire aux mairies ou aux pouvoirs publics. De toute façon, les pouvoirs publics tournent le dos face à l'errance animale et préfèrent monter des fourrières de mise à mort d'animaux, donc qui se traduisent par des milliers chaque année, car celles-ci touchent des subventions de la métropole pour ça. Alors que si un plan de stérilisation de masse était mis en place, c'est pratiquement trois fois moins cher, mais ça ne ferait pas travailler des personnes, il n'y aurait pas de subventions, donc c'est une logique qui est inconnue pour moi, quoi. Donc les associations, en fait, elles ramassent dans les rues. elles ramassent dans les rues, elles sont appelées, elles sont, c'est en fait, elles ont des bénévoles, et ces bénévoles-là, bah, ramassent lors de leur trajet de quand elles vont au travail ou qu'elles vont se promener, ramassent des chiens, les ramènent, et puis après elles cherchent des familles d'accueil pour les mettre en famille d'accueil, puisque les associations n'ont pas de refuge. Donc il leur faut des familles d'accueil, et une fois que le chien est en famille d'accueil, il est vu donc par un vétérinaire, il y a une mise en conformité qui se fait de l'animal, et ensuite on essaie de trouver une association sur la métropole qui veut bien, et là on rapatrie les chiens sur la métropole. Ou alors on trouve des adoptants sur l'île, mais une île reste une île, et on en voit vite le bout. J'ai une question justement qui tombe bien d'une auditrice là, au niveau de l'administratif d'un animal, qu'il soit adopté sur l'île ou qu'il soit adopté en métropole, est-ce que l'animal doit avoir un papier d'identité, une carte d'identité? Alors, il faut voyager. Oui. Alors il faut savoir que les associations d'outre-mer font très bien leur travail. C'est-à-dire qu'un animal qui va partir pour être adopté en métropole sera mis en conformité. Et quand on dit en conformité, c'est-à-dire qu'il aura tous ses vaccins, il sera stérilisé et il aura l'autorisation de voyager donc en avion. Et la plupart du temps, il faut savoir que ces chiens qui voyagent en avion voyagent avec des inconnus qui prennent l'avion, par exemple, je vais prendre La Réunion, Roland-Garros jusqu'à Roissy. Et c'est gratuit pour ces personnes-là de rapatrier des chiens. Il suffit juste de faire l'embarquement avec son billet. Et c'est l'association qui paie les charges pour le chien. Et lorsqu'elle arrive à Roissy, cette personne, elle a juste à prendre la caisse de l'animal, le mettre sur un chariot, et les associations de métropole l'attendent pour prendre le chien et l'emmènent chez donc les adoptants. Et ça, voilà. C'est facile de trouver des voyageurs ou des voyageuses qui acceptent d'embarquer l'animal avec eux, avec elle, et de le redonner après, arrivé à Paris. Alors oui et non. Oui, parce que heureusement qu'il y en a qui se proposent. Il en faudrait beaucoup plus, parce que beaucoup de gens voyagent alors que s'ils avaient connaissance du procédé de rapatrier un animal, ils comprendraient que c'est rien. En fait, c'est juste arriver à l'aéroport, et vous êtes avec le président de l'association, vous faites l'embarquement. Moi-même, je l'ai fait. J'ai rapporté 4 chiens de La Réunion. Donc, ils ont été inscrits sur mon billet. Les chiens sont partis en soute. Et à l'arrivée, j'ai mis les 4 chiens sur un chariot. Et lorsque je suis sortie en douane, il y avait une association qui était là pour récupérer les animaux. Tout est gratuit. En fait, le voyageur n'a rien à payer. Rien. L'animal passe en douane. C'est un prête-nom. C'est un prête-nom. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc, s'il pouvait y avoir des gens qui soient plus sensibilisés sur le fait que c'est très important pour les associations, ça serait quelque chose de magnifique. Eh bien, on lance un appel sur Radio Arc-en-Ciel. Merci. Si des gens voyagent ou reviennent de voyage, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher d'associations, notamment les petites dames bénévoles, pour effectuer ces rapatriements d'animaux. Puis on les mettra donc en contact avec les associations locales qui, elles, sont tout à fait habilitées à gérer ce genre de choses. Alors, vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'un animal voyage en soute, c'est pas le même confort qu'en cabine. Donc c'est pour ça que vous fabriquez des plaids, des manteaux pour les animaux. Tout à fait. Alors, en à peine un an, combien de plaids ou de manteaux avez-vous est-ce que ça, vous tenez une comptabilité de vos créations? Alors, on l'a, mais je ne les ai pas. J'ai pas les chiffres en tête, mais on a dû faire à peu près dans les 200 petits manteaux. Ah oui. Oui, à peu près 200 petits manteaux, et puis on a dû faire à peu près... Les couvertures, ça va plus vite, les plaids, ça va... Oui, voilà, à peu près 170 plaids. 170 à peu près pour les cages de transport en avion. Voilà. Et ça, vous avez suffisamment de tissu, de matières premières pour pouvoir confectionner ces plaids et ces manteaux? Oui et non. Oui, bien sûr, parce qu'on a des généreux donateurs. Donc, on a des personnes qui sont comme vous et moi, qui disent « j'ai une couverture ou une couette, un pull qui ne me convient pas ». Donc, les gens maintenant commencent à connaître un peu notre fonctionnement et nous appellent pour nous dire « écoutez, moi j'ai des peluches, est-ce que vous les voulez ?» Ben oui, les chiens là-bas ne savent pas ce que c'est que le jeu, donc une peluche, pour eux c'est important. Et puis, ils nous contactent aussi pour des couvertures, des plaids, des couettes, tout, des vêtements. Aussi, donc qu'on retransforme. Des dons particuliers, mais est-ce que vous travaillez avec des enseignes ou des magasins qui pourraient vous donner leurs surplus, leurs invendus, ou... On sait parfois qu'un objet, ne serait-ce qu'un jouet, s'il est un petit peu abîmé ou la peinture un peu écaillée, prof, on le jette. Est-ce que vous pouvez récupérer des choses comme ça? Alors, ça nous arrive de récupérer, donc ça nous arrive d'avoir des partenariats avec des magasins, mais ce sont surtout des partenariats sur de la sellerie. Tout ce qui est laisse, collier, harnais. et quelques jouets. Voilà. Et on a eu aussi un petit peu de produits anti-puces, anti-tiques, des petites choses comme ça, des pinces pour couper les griffes, voilà, des petites choses. C'est des partenariats qui sont réguliers ou est-ce que c'est ponctuel? Alors c'est quand quand on arrive en fin de stock, on est dans la bonne période parce que comme c'est les inventaires, ils commencent à vider un petit peu leur stock, donc on nous appelle. On a aussi des pharmacies. On a passé sur à peu près des accords de partenariat avec une cinquantaine de pharmacies sur le Loiret, qui donc nous donnent leurs bandes, compresses, matériel utile. Voilà. Donc ça commence seulement si vous voulez à se mettre en place. Vous me dites ça commence à se mettre en place, mais quand même 50 pharmacies contactées sur l'agglomération, c'est pas une mince affaire, c'est quand même un gros travail de prospection. Hein. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas et on a une bonne équipe. Voilà, on sent que c'est une association qui est organisée, structurée, avec des gens motivés et qui en veulent, quoi. Oui, c'est vrai que nous sommes une bonne équipe et que chacun vraiment apporte sa pierre à l'édifice et on a la chance surtout d'être bien perçus par nos associations qui nous font d'excellents retours. Oui, c'est important. Oui, c'est important. C'est important pour les bénévoles de voir que leur travail, où va leur travail, ce qu'il devient. Et la joie, vous savez, de ces personnes âgées qui voient ces petits chiens voyager avec leur manteau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des heureux dans tous les sens. J'imagine, oui. Oui. Et donc, à travers les collectes, vous en parlez tout à l'heure, des opérations tire-lire pièces de l'espoir. Alors ça, c'est des petites tire-lire que vous mettez chez les commerçants sur l'agglomération ou... Oui. Alors, ce sont en fait des pots qui sont faits par les bénévoles. Donc, ils sont peints par les bénévoles, ils sont décorés par les bénévoles. On y a mis une touche de gaieté pour que ça soit plus joli. Et puis, on y a mis donc le logo des petites mains bénévoles avec un petit explicatif pourquoi nous faisons. Et nous les avons nommés donc les pièces de l'espoir parce que c'est tout un espoir pour tous ces gens qui attendent de l'autre côté. Alors, l'argent récolté sert à quoi? Alors, à quoi vous le destinez? Alors, toujours pareil, on a dans le même principe, c'est que l'argent récolté, nous ne pouvons pas le poser comme ça sur notre compte bancaire, tout en sachant qu'il y a tant de demandes sur l'outre-mer. Donc, nous reversons tous les à peu près 2 mois, lorsque nous faisons le tour de nos magasins, nous reversons une trentaine d'euros aux associations pour l'aide à la stérilisation, donc sur l'outre-mer. On reverse, c'est des petits financements, mais c'est des petits financements, et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc voilà. Et pour avoir un ordre d'idée, avec une trentaine d'euros envoyés à une association aux Antilles, par exemple, ça permet de monter une opération pour stériliser combien d'animaux? Alors ça ne stérilise même pas un animal parce que les tarifs sont hors de prix. Il faut compter entre 150 et 200 euros. Donc si vous voulez, on aide pour la stérilisation. D'accord. On aide. On aide à la stérilisation. C'est énorme. Les vaccins sont énormes, les prises en charge vétérinaires, même si quelques vétérinaires sur l'outre-mer font des prix coûtants, tout est très cher. Tout est très cher, donc c'est peu entre la vente de nos petits manteaux, les 15 euros qu'on reverse, les 30 euros qu'on reverse pour aux associations avec nos pièces de l'espoir. C'est peu, mais c'est un petit peu. C'est la théorie du colibri. Voilà, c'est ça. Ça va éteindre l'incendie en forêt. Malheureusement, ça colle avec l'actualité en Australie, mais c'est le petit colibri qui amène sa pierre à l'édifice. Quoi. C'est ça. Et puis j'espère que ça va donner l'idée à beaucoup de gens d'aider ces associations. Tout à fait. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez créé une cagnotte sur un site participatif sur Litchi pour récupérer de l'argent pour pouvoir, pareil, là aussi, financer à des frais vétérinaires, à des frais de stérilisation. Ou... Alors là, c'était un peu particulier, c'est-à-dire que l'on a lancé une cagnotte Litchi parce que ça, c'était pour l'envoi de nos colis. Parce qu'on récupère de l'argent, mais on en redonne tellement qu'on finit par ne plus en avoir pour poster nos colis. Donc on s'est dit, on va quand même faire une petite cagnotte. À ce sujet, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et ça nous a servi à envoyer des colis supplémentaires. D'accord. Parce qu'il y avait de gros besoins sur certaines îles, comme la Guadeloupe et Mayotte, qui sont des zones de non-droit. Parce que Mayotte, il y a beaucoup de... Mayotte, il y a une association aide aux chats qui rapatrie énormément de chats et qui fait un travail formidable. Donc on s'est dit qu'on allait leur envoyer, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont affiliés à notre association, on allait leur envoyer. Ils ont besoin surtout beaucoup de tapis pour mettre dans les cages de transport. Donc on avait beaucoup d'écharpes à cette époque pour les petits chats. Donc on s'est dit, on va faire un colis supplémentaire. Tout à fait. Mais ces animaux-là, il faut aussi, j'imagine, les nourrir. Et vous disiez que ça coûtait très cher vu le poids. Là, j'ai une question d'une personne qui m'a contacté sur la page Facebook de l'émission. Est-ce que la voie maritime, pourrait être utilisée pour envoyer des plus gros colis? On pense à des croquettes ou des choses comme ça. En termes de poids, est-ce que ça reviendrait pas moins cher d'envoyer ça par bateau? Si, alors c'est quelque chose qui est à l'étude. C'est quelque chose qui est à l'étude. On est en train de regarder la possibilité. Bon, c'est un délai de transport qui est quand même assez long, un mois et demi à 2 mois, voilà. Donc ça peut être à l'étude, mais on peut avoir aussi par des compagnies aériennes qui n'est pas négligeable des tarifs qui pourraient être regardés aussi au sérieux. Et donc, mais il y a toute une organisation, parce que c'est pas le tout d'envoyer du fret. Il faut savoir que lorsque le fret arrive, si vous envoyez une tonne de croquettes, ça va partir de Roissy, donc il n'y a pas de problème, on l'emmène sur Roissy. Mais à l'arrivée, il va falloir que les associations se mettent d'accord pour venir rechercher donc ce fret, cette nourriture rapidement, parce que chaque journée qui passe, on va payer, nous, les petites mains bénévoles, l'entrepôt, le stockage. D'accord. Donc ça, il va falloir qu'on se mette bien d'accord avec les associations de protection animale, que on peut aider, mais on peut pas se ruiner non plus. Oui, ça veut dire qu'il faut derrière des moyens aussi, en véhicule, en personne. Voilà. Alors, en principe, elles sont quand même bien organisées. Oui. Voilà. Et alors, pour sensibiliser aussi les personnes autour de vous, est-ce que vous avez pensé à travailler autour des écoles, des associations pour sensibiliser aussi au grand public un peu les problèmes que vous rencontrez? On parlait tout à l'heure de rapatrier sous son nom un animal lorsqu'on voyage. Est-ce que là, il y a l'association Les Petites Mains Bénévoles pourrait travailler autour d'elle avec, je pense, les associations, les clubs sportifs pour enfants, voilà, c'est pour toucher un peu le plus grand public? Oui, alors ça fait partie de nos projets. Et récupérer en même temps des... Voilà, ça fait partie de nos projets. On aimerait, à l'heure actuelle, la cause animale passe par de la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle se fait dès le plus jeune âge. Le rapport à l'animal est quelque chose le message, on le fait passer depuis la jeune enfance. Donc en fait, oui, effectivement, nous avons l'intention de nous rapprocher donc des écoles, justement, des clubs sportifs. Oui. Et puis d'essayer de autour d'une kermesse d'investir les enfants et de parler justement de sensibilisation de la cause animale par des petits montages, par des jeux, par des activités ludiques, et en même temps laisser les enfants gérer cette partie, parce que je pense qu'un enfant regarde avec ses yeux d'enfant, ne voit pas les mêmes choses que les adultes, et l'implication peut être quelque chose qui le suive toute sa vie. Tout à fait, oui. C'est la pédagogie ou de la psychologie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que les enfants sont très, très réceptifs au projet, et je pense qu'ils sont très réceptifs à la cause animale, si on sait leur montrer qu'un animal, c'est un être vivant qui est doté de sensibilité, et que c'est pas parce qu'il n'a pas la parole qu'il ne sait pas transmettre ses émotions. Tout à fait. Oui. On termine sur une note plutôt encourageante et positive. Dernier point avant de terminer l'émission, j'ai vu qu'il y avait une notion que je ne connaissais pas sur la page de votre association, le teaming. Alors le teaming, moyennant 1 euro par mois, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors le teaming, c'est une forme de cagnotte, sauf que c'est mensuel. C'est-à-dire qu'on demande donc aux personnes qui le veulent de verser 1 euro par mois à notre association. Et donc c'est le petit euro plus le petit euro qui fait qu'on peut envoyer plus de petits colis. Voilà. Donc c'est 1 euro par mois à des personnes. Donc là, nous l'avons lancé il y a quelques temps. Nous avons quelques personnes donc qui ont répondu présentes. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Et nous espérons que d'autres vont pouvoir aller sur notre groupe, sur notre page Facebook, voir nos actions et puis adhérer à ce genre de teaming, parce que c'est important. Nous avons aussi besoin de financiers. Nous ne pouvons pas l'écarter. Hein, mais nous ne faisons... En fait, tout l'argent qui rentre dans l'association, nous le reversons. Très bien. On va terminer l'émission là-dessus, Vicky Hans, si vous permettez. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette heure en ma compagnie sur l'émission Côté Association sur Arc-en-Ciel. Merci. On retrouve l'association Les Petites Mains Bénévoles sur Facebook, sur la page Facebook, mais aussi sur le vous avez un site internet qui est bien fait. Oui. lespetitesmainsbénévoles.fr en minuscule, tout attaché. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette association qui mérite d'être suivie et on prendra de vos nouvelles très régulièrement dans l'émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus et de nous avoir laissé la possibilité de nous exprimer et de parler de nous. Et le plaisir est partagé. Merci à vous. Tout de suite, je vous laisse avec Chantal et son émission Groove Tropical. Et mais avant ça, on écoute Les Doles Filantes avec Les Cowboys Fringants. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.